Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Ce soir, je vous propose un choix de musique éclectique, avec aussi un petit hommage au musicien new-yorkais Anton Fear qui vient de nous quitter. Alors, on débute ce soir avec la pièce « Sombre dimanche » de la chanteuse réaliste Damia. Bonne soirée à notre antenne. The ghost of Anne Boleyn walks, I declare. He declares. For Anne Boleyn was once King Henry's wife. King Henry's wife. Until he made the headsman Bob her heir. Bob her heir. Ah, yes, he did her wrong long years ago. Long years ago. And she comes up at night to tell him so. So, so, so. With her head. Head. Tucked. Tucked. Underneath her arm she wore. The bloody tower with her head red tucked underneath her arm at the midnight hour. She comes to warn King Henry, she means giving him what for. What for? Gadzook, she's going to tell him off for having spilt her gore. Her gore. And just in case the headsman wants to give her an encore, she has her head tucked underneath her arm. Sometimes gay King Henry gives a spread. Gives a spread. For all his pals and gals, a ghostly crew. A ghostly crew. The headsman carves the joint and cuts the bread. And cuts the bread. Then in comes Anne Boleyn to queer the do. To queer the do. She holds her head up with a wild war whoop. Pew, pew, pew. And Henry says, don't drop it in the soup. The soup, the soup, the soup. With her head, the head tucked underneath her arm, she whoops the bloody tower. With her head, the head tucked underneath her arm at the midnight hour. The sentries think that it's a football that she carries in. And when they've had a few, they shout his army going to win. They think that it's Red Grange instead of poor old Anne Boleyn. With their head tucked underneath their arm. Along the drafty corridors for miles and miles she goes. She goes. She often catches cold, poor thing, it's cold there when it blows. It blows. And it's awfully awkward for the Queen to have to blow her nose. With her head tucked underneath her arm. With her head tucked. But of that I'll have none, because I know of one, it's always full of fun. They call this one jollity, believe me folks it's great, for everything sings out to me as I go through the gate. All the little pigs they grunt and howl, the cats meow, the dogs bow wow, everybody makes some row down on Jollity Farm. All the little birds go tweet, tweet, tweet, the lambs all bleat, shake their feet. Everything's a perfect treat down on Jollity Farm. Regular in habit, the cock begins to crow, and the old buck rabbit says I'm a dodio doe. All the little ducks go quack, quack, quack, the cows all moo, the bull does too. Everyone says how do you do down on Jollity Farm. Thank you. roundabout he'll rush. But he only grumbles when they try bobbing his brush. Dans le dernier bloc consacré à des musiques tirées de 78 tours, la pièce The Penguin, une pièce de 1939 composée par Raymond Scott. C'est interprété ici par le musicien américain Ambrose et son orchestre. Ça a été précédé par Jollity Farm, une pièce de 1929 interprétée par Leslie Saroni avec Jack Hilton et son orchestre. Juste avant, vous avez entendu With Her Head Tucked Underneath Her Arm, une pièce de 1937 interprétée par Cyril Smith avec Rudy Vallée et ses Connecticut Yankees. Et on a débuté le bloc avec Sombre Dimanche, une pièce de 1936 interprétée par la chanteuse réaliste Damia. On poursuit avec Duke Ellington. Thank you. We'll be right back. Anyhow, the captain's gonna be down the ladder to bring back the gizmo that's gone whack. On the surface, there's this blue mist twirling and swirling. Guts of the stuff lifts me up and dumps me on my butt. Mission control must have miscalculated the thickness of the crust. Because suddenly the ground cracks and this big hole opens up. And over the pressures I go, blam, and I land in this big cavern. Mallory used to wear flowery clothes, hobnobbing with the snobs at the gallery shows. Now I know what you're doing when you powder your nose. I could have done something looking back, I suppose. Here come Jimmy, way too skinny, down 140 from about 250. Hanging out on the wrong side of the city, I used to have pity, now I don't have any. Standing on the corner in the cloth tube top, bleached blonde hair in the white school job. Hollywood Holly say she'll top you off, but that's the kind of talk, girl, that got you shot. Say, oh, I ain't working no more. Oh, come on now. Hey. I wanna sleep all day. And the song goes, oh, oh, we can't take it no more. Ooh. Don't worry about it, man. There's pills for everything. Brimstone fire and new gold chain, cigarette lighters and cook cocaine. There's pills for everything. Brimstone fire and new gold chain, cigarette lighters and cook cocaine. There's pills for everything. I wanna get down. I wanna get down. I wanna feel so good, so bad. I don't wanna be around. Get up. I need to be free. I need to feel so good, so bad. I need to believe. Say, oh, I ain't working no more. Come on now. Hey. I wanna sleep all day. And the song goes, oh, we can't take it no more. Ooh. Don't worry about it, man. There's pills for everything. Sleeping on a futon, alligator boots on, waiting for a friend of mine. Something if I move on, wait around too long, end up left behind. Sleeping on a futon, alligator boots on, waiting for a friend of mine. But something if I move on, they wait around too long, and end up left behind. I wanna get up. I wanna get down. I wanna feel so good, so bad, I don't wanna be around. Get up. I need to be free. I need to get them goddamn pills far away from me. Oh, come on and say, oh, I ain't working no more. And the song goes, hey, I wanna sleep all day. Say, oh, oh, we can't take it no more. Ooh. Don't worry about it, man. There's pills for everything. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Pills for Everything du groupe new-yorkais That Handsome Devil. C'est extrait de l'album A City Dressed in Dynamite, un album paru en 2008. Ça a été précédé par la pièce Blue Mist du groupe londonien The Heliocentrics. Ils sont accompagnés ici par l'Américain Melvin Van Peebles, acteur, réalisateur, compositeur et chanteur. C'est extrait de l'album The Last Transmission, un album qui est paru en 2014. Juste avant, vous avez entendu I Love How You, trois petits points, de l'Américaine Lydia Lunch. C'est extrait de son album Smoke in the Shadows, qui est paru en 2004. Et on a débuté le bloc avec Upper and Outest de Duke Ellington, c'est extrait de la compilation Jazz Noir, une compilation parue en 2015. Après la pause, Linton Kwesi Johnson. Come we go down there, make we take a ride down there. Come we go down there, make we forward down there. On a body topper, body topper, body topper. Come we go down there. The people them a ball, the food down there. Them can't get no food but food down there. The people them a ball, the work down there. Them can't get no work but work down there. The people them a ball, the shelter down there. Them can't get a room but palace down there. The people them a ball, the mercy down there. Them can't get no mercy, mercy no down there. Come we go down there. We take a stride down there. Come we go down there. Make we forward down there. Gonna body topper, body topper, body topper. Come we go down there. The people them a fight for work down there. The people them a fight one another down there. The people them a fight for stay alive down there. The people them a fight for them rights down there. The people them a fight oppression down there. The people them a fight for them life down there. The people them a fight for survive down there. The people them a fight down there. So come we go down there. We make a stop down there. So come we go down there. Make we forward down there. Gonna body topper, body topper, body topper. Come we go down there. Thank you.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Lola Rastaquer, une version alternative par Serge Gainsbourg. C'est extrait de l'album Gainsbourg and the Revolutionaries, un album qui est paru en 2015. Ça a été précédé par Ja Wrote Me, A Letter from Zion, du musicien jamaïcain Scientist. C'est extrait de l'album Scientist Meets Roots Radix, Dubbin with Horns, un album qui est paru en 1996. Et on a débuté le bloc avec Come We Go Dunk Day, du musicien britannique d'origine jamaïcaine Linton Kwesi Johnson. C'est extrait de son album Dreadbeat and Blood, un album paru en 1978. On enchaîne avec Michel Legrand. Armstrong. Au Kenya, en Ubangi, le tempo était déjà le roi. Toute l'Afrique savait battre des mains, de l'Atlantique à l'océan Indien, de la mer Rouge à la Méditerranée. Ces gens qui bougent savaient déjà bouger. Sur un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham et que Pharaon, 100 000 esclaves, un jour a tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham et que Pharaon, 100 000 esclaves, un jour en tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Cent mille fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci cent mille fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous venez d'entendre I Thought I Was Going Mad de la chanteuse britannique Carmel. C'est extrait d'un vieux truc des années 80, The Drum Is Everything, un album paru en 1986. Juste avant, vous avez entendu la pièce Dando Vueltas a Novni du groupe de Bogota en Colombie, Romperayo. C'est extrait de leur premier album Romperayo qui est paru en 2015. Juste avant, vous avez entendu la pièce Akiwowo du musicien nigérian Babatunde Olatunji. C'est extrait de l'album Drums of Passion, un album qui est paru en 1959. On a débuté le bloc avec Avant le jazz, une pièce de 1965 par Michel Legrand. C'est extrait de l'anthologie de Michel Legrand. Après la pause, un petit hommage au musicien américain Anton Fear qui vient de nous quitter. on your head and call us out in my mouth. Clean play, clean play, that clean play. Clean play, clean play. You man, in my brain starts hollering, my tongue's so blunt, and last night has got hurt. Who's in a hurry? My life was fuzzy. Taxi, question, is that the sunrise? Is that smash? Hey, yo, back now, that shows what the moon's a bay savvy. Not to be dead, thickly, the sun got sinky. It's see the strictly, defined, defined. But simply make a dad of a cop. Yeah. Pictures of myself, and there's one in each of your eyes. And they're doing everything I do. Every time I light a cigarette, they light up there. I take a drink, and I look in, and they're drinking too. It's driving me crazy. It's driving me nuts. We'll be right back. deep in the heart of darkest America, home of the brave, he says, listen to my heartbeat. Safety, Mr. Sharkey, white courtesy telephone, please. Le dernier bloc était consacré à Anton Fear, un musicien new-yorkais né en 1956 et décédé mercredi le 21 septembre dernier à l'âge de 66 ans. Anton Fear a débuté sa carrière vers la fin des années 70. Il joue avec plusieurs groupes dont les Feelies, les Lounge Lizards, Père Ubu, John Zorn et Laurie Anderson, pour n'en citer que quelques-uns. Il est aussi le cofondateur du groupe de rock expérimental The Golden Palominos. Il collaborera régulièrement avec Bill Laswell tout au long de sa carrière. Vous avez entendu dans le petit hommage qui lui était consacré la pièce Sharkey's Night de Laurie Anderson, cet extrait de l'album Mr. Heartbreak, un album qui est paru en 1984 avec la participation à la voix de William S. Burroughs et Anton Fear au drum. Ça a été précédé par la pièce A Day Such As This, pièce composée par Anton Fear et le groupe Père Ubu. Cet extrait de l'album de Père Ubu, Song of the Bailing Man, un album paru en 1981. Ça a été précédé par Clean Plate du groupe The Golden Palominos. C'est extrait de leur premier album, The Golden Palominos, qui est paru en 1983. The Golden Palominos était composé des musiciens Anton Fear, Bill Laswell et Nicky Skopelitis. Ça a été précédé par la pièce Crazy Rhythms du groupe The Feelies. C'est extrait de leur premier album, Crazy Rhythms, qui est paru en 1980, avec Anton Fear au drum. Et on a débuté le bloc avec Do the Wrong Thing du groupe new-yorkais The Lounge Lizards. C'est extrait de leur premier album, The Lounge Lizards, qui est paru en 1981. Le groupe The Lounge Lizards était composé des musiciens John Lurie, Evan Lurie, Arto Lindsay, Steve Piccolo et Anton Fear au drum. Ce premier album des Lounge Lizards a été produit par Théo Macero. Après la pause, le groupe Suicide. Turn me on. girl. Don't touch me, son. Oh, you know how. Oh, yeah. Oh, girl. Oh, girl. Yeah. Oh, come on. Oh, oh, yeah. Oh, boy. Oh, oh, girl. Oh, girl. Oh, girl. Da vorne steht ne Ampel und schnell sie leuchtet rot. Alle Leute warten, doch wir, doch wir, doch wir, doch wir sind schon längst fort. Chocolate. blöd Arsch, ey, ey. Dann steht ich am Lotton, ey. ich gern leider meine Scherze with me. I am the bitch with my feather cap. I am the bitch with my arrows and bows. I am the bitch with my feather cap. I am the bitch with my tomahawk. With my feather cap, I am the bitch with my tomahawk. I am the bitch with my arrows and bows. I am the bitch with my tomahawk. I only want you to love me. I only want you to tell me. I am the baby. Tout pour l'émission Les Échangeurs d'art de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Je vous ai proposé dans ce dernier bloc de Big Chief du groupe français Ptose. C'est extrait de l'album Ignoble Limace, un album paru en 1984. Ça a été précédé par Slip It to the Android du groupe américain Chrome. C'est extrait de l'album Alien Soundtracks, un album paru en 1977. Ça a été précédé par la pièce Que dit le chef du groupe français Philippe Doré et les Associaux Associés. C'est extrait de l'album Nouveau Mode Industriel, un album paru en 1980. Juste avant, vous avez entendu Ears to the Oblong Boys des Britanniques Rinaldo and the Loaf. C'est extrait de l'album The Elbow is Taboo qui est paru en 1987. Ça a été précédé par la pièce Qu'est-ce qu'il fait chaud? Des Allemands, Liaison dangereuse, c'est extrait de l'album Liaison dangereuse qui est paru en 1981. Juste avant, vous avez entendu Tavernstadt Diempel du groupe allemand Der Plan. C'est extrait du 45 tours de Tavernstadt Diempel, un 45 tours paru en 1980. Et on a débuté le bloc avec la pièce Girl du groupe américain Suicide. C'est extrait de l'album Suicide qui est paru en 1977. Alors c'est tout pour nous, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.